Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un prénom. Un prénom. Un prénom. Un jour. Un jour, un prénom. Le prénom Chloé est dérivé du grec, pays où il est attribué à la déesse des moissons. Il signifie en clair « jeune pousse » ou « herbe naissante ». Ce prénom, abandonné pendant longtemps, est revenu sur le devant de la scène au XXe siècle grâce à l'écrivain Boris Vian et son best-seller « L'écume des jours ». Il est difficile de leur résister car ce sont à la fois des êtres séduisants et piquants, à l'image de leur végétal totem, l'aubépine. Elles foncent dans le brouillard et se feraient un chemin à coups de tête. Malheur à ceux qui leur résistent. Si l'on pouvait faire le caractérogramme d'un bulldozer ou d'un char d'assaut, on trouverait vraisemblablement ce pourcentage de volonté. Elles ont une véritable passion de l'amitié. Leur rêve, partir au pôle Nord, au Sahara, avec d'une bande de copains. Mais redoutable réaction lorsque les choses ne prennent pas la direction souhaitée et qu'un responsable leur tombe entre les mains. C'est la Lali, la curie, la corrida. Et vous, parents, cramponnez-vous et soyez fermes comme un roc. On ne sait plus très bien comment qualifier cette activité qui, dans certains cas, est absolument délirante et essentiellement contagieuse. Avec elle, il faut que ça bouge, ou plutôt, il faut que tout le monde bouge. Les parents, les copains. Elles sont attirées par tout ce qui touche au voyage. Elles s'adaptent très bien quand elles sont maîtresses de la situation, mais moins bien lorsqu'elles dépendent de la volonté des autres. On pourrait la qualifier de « data chiante ». Elle a une vive curiosité et une mémoire fidèle. En résumé, il est peut-être difficile de vivre avec elle, mais il est bien ennuyeux de vivre sans. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un prénom. Un prénom. Un jour. Un jour, un prénom. J'imagine que t'as déjà reconnu, c'est pour toi Bobo. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané. Que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Si tous les appels, les amours aussi bas. Il faut que tu saches, Bobo, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si l'orgue danse, notre danse des heures, j'irai chercher ton âme. Les froids dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu me manques. On n'a pas commencé, m'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche. Chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des airs, j'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes, je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. seront les hommes. Si tel est ton désir, plus brillante et plus belle, pour une autre étincelle, nous t'en verrons d'or, pour que tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Oh, waouh! Merci beaucoup pour ce moment. J'ai adoré passer une heure et demie avec Céline Dion. Gros bisous! Ok, donc Gaëtan, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Chloé. Et comme tu commences à la connaître un petit peu maintenant, je voulais savoir. Si tu pouvais nous dire en un mot ou en une phrase ce que représente Chloé pour toi, quoi. Chloé ? C'est celle avec qui t'es partie en Argentine ? Non, ça c'est Mathilde. Ah, l'autre ? Oui. Ah. Bon, ben... Merci Gaëtan. Wow, lovely. Chloé, cousine Frison de la Motte. Après avoir chanté devant toute la Rouxière, après avoir apprécié ton remake de la scène de la voiture dans Titanic, après t'avoir écouté attentivement lors du podcast d'Anouk Perry, continue à vivre ma meilleure vie, donc c'est plutôt cool. La seule chose qui me manque vraiment beaucoup, c'est foutre le zbeul et... Et puis après avoir déliré tant de fois possible qu'on sait même plus de quoi il s'agit... Poutre ! J'ai vraiment hâte de te retrouver autour d'une petite Suze. Gaëtan, un mot sur Chloé ? Là, maintenant, là ? Ouais ? Je suis en train de fabriquer une chaise, là. On reviendra plus tard. Quand t'as goûté à cette danse, là, tu ne peux plus faire que ça. J'ai aussi un message de Denise Minois pour toi. Alors attends, je prends son message. Alors, je cite. Chloé, j'aimerais récupérer mon rouge à lèvres. Tu sais, celui de chez Sephora qui te va si bien et dont tu vantes les mérites à tout le monde, et que tu m'as en fait subtilisé pendant qu'on était dans les loges. Wow. Unbelievable. Gaëtan, rapidement, si je te dis Chloé, tu me dis Eh ben... Gaëtan, deux mots sur Chloé ? Chloé ? Elle est folle. ASMR. Vous avez besoin de rien, Simon ? Si, apportez-moi des linges propres et de l'eau chaude. Rien d'autre ? Si, des gencives de porc, j'ai un peu faim, vite, vite ! Eh, Chloé, joyeux anniversaire ! Anniversaire! Joyeux anniversaire, Chloé. Bon anniversaire, ma douce. Joyeux anniversaire! Bon, allez, non, on t'aime bien à la maison. Hein. Sinon, j'ai arrêté le chocolat chaud, hein, je suis passé au café, quoi. La bise! Ciao! Thank you. En confinement ou au travail, vous écoutez la radio des bons cons. La radio des bons cons. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis confiné à l'étarderie. Je suis chez les soulards. Y'a le bilan des morts qui passe à la télé. Ça me fait péter un plomb d'être ainsi confiné. J'ai trop de cafards, j'ai trop de cafards. Je suis chez les soulards. Elle a gommé les chiffres du calendrier. Elle a fait de ma vie de triste confiné. Du rire en barre. Elle a bâti une cabane au fond du placard. Ça me file la banane, on y fume des dards. C'est Chloé Soulard, c'est Chloé Soulard. On se tape des balles. Elle a entendu, nous sommes en guerre. Elle m'a dit reste pas ici. Elle a entendu, nous sommes en guerre. On a fui à l'étarderie. Elle répète à tout va le jour où elle est née. Elle insoule ses chroniqueurs chaque matinée. C'est Chloé Soulard. Je m'en veux par la sorte de corps le porter. Qu'elle est née le 13 mai, il me faut bien m'attraquer. Y'en a qu'on nous marre, y'en a qu'on nous marre. Oh Chloé Soulard. Pour cette dernière matinée, je me suis dit qu'on allait la célébrer. Parce qu'elle a meurt d'envie, cette Chloé Soulard. De la meilleure des façons, et la seule qu'on connaît. Doug fera le con, Elsa va la bâcher. Un si mes dardards, un si mes dardards. Pour Chloé Soulard. Elle a entendu, nous sommes en guerre. Doug a fait une blague de nazi. Elle a entendu, nous sommes en guerre. Elle a ri, dit bonjour aussi. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis confiné à l'étarderie chez Chloé Soulard. On va sortir d'ici, ça sent bon la fin. Retrouver les amis, le grillade cousin. Remater les Césars ou sortir le soir au Chloé Soulard. Dédicace à Chloé Soulard, big up. La radio des bons cons, au bon con, la bonne saucisse. La bonne saucisse. De Londres jusqu'au lendemain matin, j'ai alerté tous les pingouins de la galaxie. Je suis maman. Si on savait tout de ce qui nous reste à prouver, est-ce qu'on se mouillerait jusqu'au cou pour ce genre de petite beauté qui vous ligote dans une berceau. Va, marraine, va là où tu veux. Mon amour, jamais ne te quitterai des yeux. Va, mon ange, ouvre le chemin. à l'étrange aventurière du destin. Il y a trop de misère, tout ce que dire il reste à faire, c'est comme ça. Mais pourquoi on laisse tourner le monde à l'envers, sans prendre l'air, sans donner le temps de retourner à l'endroit où il fait bon vivre pour la fleur du genre humain, celle qui a besoin d'être arrosée tous les jours, comme la plus belle des roses de l'amour, comme le plus beau cadeau de la vie. Amour de ma vie, Chloé. Bon anniversaire, Chloé! Une playlist terrible, terrible, des invités sensationnels. C'est la radio des bons cons. François Bourret, tu sais à quel point on prend vite goût au oups sur Radio Bon Con. Et donc ce oups est pour toi. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un prénom, un prénom. Un jour. Un jour, un prénom. François. Le prénom François est, étrangement, issu du latin francus, qui signifie homme libre. C'est avant tout un prénom français. Il a d'abord connu une grande popularité en Italie et en Espagne, sous les formes locales de Francesco et Francisco, le plus connu étant Francisco il Boboretto. Il est apparu en France au XVe siècle, pour y devenir très rapidement l'un des prénoms les plus populaires, avec Patrice. Le prénom François fut ainsi porté par un grand nombre de rois, de saints, d'écrivains et d'artistes. Sa cote ne baissa qu'à partir du XXe siècle et, malheureusement, il est de moins en moins attribué aujourd'hui. Tout comme le veut l'étymologie de son prénom, François est d'une franchise déconcertante et va droit au but. Bavard et dynamique, on ne s'ennuie pas avec lui. Il est également très apprécié pour sa très grande tolérance. Même si le travail ne l'enthousiasme pas spécialement, il sait toutefois s'appliquer avec beaucoup de volonté et de détermination pour réussir. Il jouit de ce fait d'une grande perspicacité qui s'avère précieuse dans sa vie professionnelle. Les François célèbres sont très nombreux. Ils comptent parmi eux de nombreux hommes politiques, ministres et députés. Pour ne citer que l'ancien président François Mitterrand, François Fillon, François Goulard, François Bayrou, François Rabelais, l'écrivain, Chateaubriand, dont le vrai nom est François René. Les François sont en général de signes astrologiques bélier. Leur couleur est le rouge, leur numéro chance le 4. Leur pierre précieuse est le rubis et leur métal est le fer. Depuis les années 1900, 398 741 garçons ont reçu le doux prénom de François. L'âge moyen des François, actuellement, est de 73 ans. Nous te souhaitons tous un très joyeux anniversaire, François. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un prénom. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto da che te ne da lui, fagli vedere che non è un doccio, capire che c'è nel bo. A far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu. E si attacca col sette metto, patate in un fondo del blu. Se lui porti il memento, le fai che ti è andato in tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scappia, scappia, mi scappia il cuore. Libe, libe, libe, lei. E se ci sono queste va. Scappia, scappia, mi scappia. Scappia, scappia, mi scappia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scappia, scappia, mi scappia. Scappia, scappia, mi scappia il cuore. Scappia, scappia, mi scappia. Scappia, scappia, mi scappia il cuore. Libe, libe, libe, lei. E se ci sono queste va. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Libe, libe, libe, lei. E se sono fatto niente va. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Eh mais c'est hyper facile en fait l'italien. Tiens, c'est quoi ce petit bouton là? Trop bien, ça change la voix. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live and live and live and life. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Je te souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que tu passes une bonne journée et je te fais des bisous. Coucou Chloé, en ce 13 mai, je te souhaite un joyeux anniversaire. Hâte de te voir, je pense très très fort à toi et hâte de refaire la chouille avec toi. Voilà, gros bisous. Aéroport de Nice, aéroport de Nice. 2 minutes d'arrêt. Bonjour, vous êtes Chloé Soulard ? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Mais parce que ? Vous la cherchez ? Oui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Chloé. Joyeux anniversaire, Chloé. Joyeux anniversaire, Chloé. Joyeux Joyeux anniversaire. Odile Doré. Dites, on n'attend pas votre sœur ? Bonjour Madame Chloé. Je me souviens de la première fois où je t'ai rencontrée, c'était dans la maison des Jeannes et on était pétés. Et je me souviens un moment dans la soirée, on était assis dehors sur la terrasse et on mangeait les lardons d'une quiche en miettes avec les doigts et c'était fort sympathique. Et donc plus tard dans cette soirée, tu as vomi cette même quiche au lardon derrière un bosquet du jardin de la famille Jeanne. Voilà, cette soirée restera à jamais gravée dans ma mémoire. Enfin, en tout cas, ce qu'il me reste de souvenir de cette soirée. Et aujourd'hui, mais je te souhaite un très bon anniversaire, des gros bisous et à bientôt. Joyeux anniversaire, Chloé. Joyeux anniversaire, Chloé. Joyeux anniversaire, Chloé. Joyeux anniversaire. Eliott et moi, on te fait plein de bisous. On pense à toi. Passe une très bonne journée. Tu penses à toi. Voilà, gros bisous. Bon, bah, ma petite Chloé, tu l'auras eu ton anniversaire sur la radio finalement. Du coup, je t'ai préparé un petit truc. Alors, pour les auditeurs, j'explique rapidement pour qu'ils aient un petit peu d'indulgence. En fait, depuis plus de 10 ans avec Chloé, quand on est en soirée, au bout de quelques heures, enfin plutôt quelques heures, au bout de quelques verres, on met pratiquement à chaque fois la même chanson. Ça saoule tout le monde, mais en fait, enfin nous on s'en fout parce qu'on aime bien et puis on est globalement ivre. Donc Chloé, comme je ne pouvais pas être là quand tu fêteras ton anniversaire, je t'offre notre chanson. À tous, soyez indulgents, j'avais même plus de bière pour contextualiser. Bon anniversaire Chloé. Du sable, de l'eau, la paille, plus vite, la boue, levé, du sable, et tirer de l'eau, et soulever la paille, plus vite, coup de fouet dans le dos, je sens la morsure de ma sœur. Dans les yeux, je sens la brûlure. Elohim, Dieu du ciel, entends-tu ton peuple appel au secours en ces jours? Délivre-nous, Seigneur Dieu, délivre-nous. Roi des cieux, dans ce désert, tes enfants agonisent. Délivre-nous, tu nous as promis une terre. Délivre-nous sur la terre promise. Alors là, c'est mon moment préféré. Mon fils, je n'ai rien à te donner, sauf cette chance de vivre. J'espère te retrouver, si Dieu le fait. Thank you. Waouh, moi ça me fait des frissons, pas vous ? Alors là, en fait, la mère, elle s'est sauvée avec ses enfants. Elle a pris le panier sous le bras et elle arrive près du fleuve. Tais-toi, mon bébé, sois sage, ne pleure pas. Dors bercé par le fleuve sacré. Dormez, n'oublie pas mon dernier chant d'amour. Je serai dans ton cœur forever. On voit des poissons qui sautent au-dessus du berceau qui est en train de nager. Là, il y a un crocodile qui arrive. Oh là là, il est en train de se faire bouffer par un crocodile. Oh là là, des hippopotames, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? On ne sait même pas. Ah, la petite sœur voit tout. Oh là là, mon Dieu, mais est-ce que mon petit frère va s'en sortir? Ah, non, il a été attrapé par un filet de pêcheur avec d'autres poissons. Non, il tombe du filet. Il se débrouille. Des bateaux vont l'écraser. Non, la petite sœur essaye de... Oh là là, les rames le cognent. Le bateau l'a cogné, mais il dérive. Où va-t-il arriver? C'est long, hein. Attendez, c'est pas encore fini. C'est presque fini, mais c'est pas encore fini. Là, en fait, le berceau, il est arrivé chez le pharaon. Et c'est la femme du pharaon et le fils du pharaon qui trouvent le berceau. C'est un truc de fou, quoi. Et alors, la femme de la pharaone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le panier et... Oh, un bébé! Alors, du coup, comme il n'est pas trop moche, elle décide de le garder. Petit frère, tu es sauvé, tu dois le rester pour exaucer mon vœu en retour. Grow up, my little brother. To save us at your door.